Deuxième livre des Chroniques, chapitre 23. Mais en la septième année Jéhojada se fortifia, et prit avec soi des centeniers, savoir Azaria fils de Jéroam, Ismaël fils de Jéhanan, Azaria fils d'Obed, Maaséja fils d'Adaja, Elisapha fils de Zikri, et traita alliance avec eux. Et ils firent le tour de Juda, et assemblèrent de toutes les villes de Juda les Lévites, et les chefs des pères d'Israël, et vinrent à Jérusalem. Et toute cette assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera selon que l'Éternel en a parlé touchant les fils de David. C'est ici donc ce que vous ferez, la troisième partie de ceux d'entre vous qui entreraient en semaine, tant des sacrificateurs, que des lévites, sera à la porte de Sipim. Et la troisième partie se tiendra vers la maison du roi, et la troisième partie à la porte du fondement, et que tout le peuple soit dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que nul n'entre dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs et les lévites servants, ceux-ci entreront, parce qu'ils sont sanctifiés, et le reste du peuple fera la garde de l'Éternel. Et ces lévites là environneront le roi tout autour, ayant chacun ses armes en sa main, mais que celui qui entrera dans la maison, soit mis à mort, et tenez-vous auprès du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les Lévites donc et tous ceux de Juda firent, tout ce que Jéhojada le sacrificateur avait commandé, et prirent chacun ses gens, tant ceux qui entraient en semaine que ceux qui sortaient de semaine, car Jéhojada le sacrificateur, n'avait point donné congé au département. Et Jéhojada le sacrificateur, donna aux centeniers des hallebardes, des boucliers, et des rondelles, qui avaient été au roi David, et qui étaient dans la maison de Dieu. Et il rangea tout le peuple, tout autour du roi, chacun tenant ses armes en sa main, depuis le côté droit du temple jusqu'au côté gauche du temple, tant pour l'autel, que pour le temple. Alors on amena le fils du roi, et on mit sur lui la couronne et le témoignage, et il l'établit roi, et Jéhojada et ses fils oignirent, et dirent, vive le roi. Et Athalie entendant le bruit du peuple qui courait, et qui chantait les louanges de Dieu autour du roi, vint vers le peuple en la maison de l'Éternel. Et elle regarda, et voilà, le roi était près de sa colonne à l'entrée, et les capitaines, et les trompettes étaient près du roi, et tout le peuple du pays était en joie, et on sonnait des trompettes, les chantres aussi chantaient avec des instruments de musique, et montraient comment il fallait chanter les louanges de Dieu, et sur cela Athalie déchira ses vêtements. Et dit, conjuration, conjuration. Alors le sacrificateur Jéhojada fit sortir les centeniers, qui avait la charge de l'armée, et leur dit, « Menez-la hors des rangs, et que celui qui la suivra, soit mis à mort par l'épée, car le sacrificateur avait dit, ne la mettez point à mort dans la maison de l'Éternel. » Ils lui firent donc place, et elle s'en retourna en la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux, et ils la firent mourir là. Et Jéhojada, tout le peuple, et le roi traitèrent cette alliance, qu'il serait le peuple de l'Éternel. Alors tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent, ils brisèrent ses autels et ses images, et tuèrent Matan sacrificateur de Baal, devant les autels. Jéhojada rétablit aussi les charges de la maison de l'Éternel, entre les mains des sacrificateurs lévites, que David avait distribué pour la maison de l'Éternel, afin qu'ils offrissent les holocaustes à l'Éternel, ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, avec joie et avec des cantiques, selon la disposition qui en avait été faite par David. Il établit aussi des portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'aucune personne souillée, pour quelque chose que ce fût, n'y entrât. Il prit ensuite les centeniers, les hommes les plus considérables, ceux qui étaient établis en autorité sur le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent par le milieu de la haute porte dans la maison du roi, puis ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Et tout le peuple du pays fut en joie, et la ville demeura tranquille, bien qu'on eût mis à mort Athalie par l'épée.